Je veux que tout le monde... Ok, prends pas la gueule, c'est tout. Je veux que tout le monde réponde. Ok, Trouduc. Allez, Gérard. Bon, Adèle, tout à l'heure, tu vas le Trouduc où que tu vas aller. Tu vas aller au sondage, je vais rester avec les nanas. Gérard, je pense qu'il faut qu'on accueille donc Anthony, donc faut qu'on dise bonjour Anthony. Bonjour Anthony. Bonsoir les filles, bonsoir. C'est pas grave. Bonsoir Julie. Et juste, bonsoir. Et moi juste, Bonsoir Gaëlle, excuse-moi. Enzo sur Minitel qui dit Gérard, il n'y a rien de plus beau que le corps d'une femme, surtout celui de Christine. Et moi je vais répondre à ça, il n'y a rien de plus moche que le corps de Gérard. Elle est supérieure à lui. Et comment était le corps de Christine? Gérard. Mais ça pour l'instant, j'ai pas dit, j'allais pas dire que je répondrai. Attends, toi, tu vas déjà rester poli parce que tout à l'heure, tu as vite dégagé. J'ai dit ta sœur, j'ai pas dit ta sœur. Bon. Alors, j'ai demandé à Sandrine oui. si elle pouvait répondre à ma question parce que. Tu peux me la rappeler, s'il te plaît. C'est alors, trop compliqué. Les femmes sont-elles aussi intelligentes que les hommes? Mais bien sûr, on est même supérieurs à eux. Alors pourquoi? Attendez, s'il vous plaît, Adèle et Anthony. Ouais, Christine. Adèle et Anthony, s'il te plaît. Tu me laisses gérer mon débat, s'il te plaît. Bon, ok. Ok, alors, Sandrine. Oui, oui. Alors pourquoi? Bien sûr, on est supérieurs aux hommes. On vous manipule comme on veut. Mm-hmm. On vous fait faire des caprices. Gérard, c'est Anthony, homme, est-ce que c'est vrai que t'es le... Attends, Sandrine. Est-ce que c'est vrai que t'es le père naturel de Corky? Bon, alors Anthony, tu vas faire un petit tour au standard et... Mais non, Anthony. Je reviendrai. Qu'est-ce qu'on dit, Anthony? I will be back. Au revoir, Anthony. Gérard. Au revoir, Anthony. Voilà. Gérard, c'est quand même pas faux ce qu'il a dit. Tu serais peut-être le fils de Chewbacca, quand même. Alors... Sandrine. Tu vois les réflexions des gars, tu vois, très intelligents. Ce qui prouve qu'on est quand même plus intelligents qu'eux. D'accord. Ok. On va accueillir un nouvel auditeur. Non, tu vas fermer ta gueule pour l'instant. Et on accueille Tony. Oh là, fort Gérard. Non, mais attends. Salut, Tony. Salut, Gérard, je t'encule. À des larnettes. Non. Attends, Tony, si t'as. Je suis pas grillé. C'est pas grave. Tony, tu la fermes, d'accord? Bah ouais, ta gueule, Gérard. C'est comme ça que tu m'accueilles, Gérard. Tu la fermes pour l'instant. Gérard, je peux te dire un truc? Quoi? Je t'emmerde. Eh ben, dans ce cas-là, tu dégages. Bonne nuit. Comme ça, moi aussi, je t'emmerde. Alors, au revoir, Tony. Gérard, continue ton débat, là. Tony, tu dégages, bonne nuit. Mais j'ai rien dit. Je vais pas le savoir, tu vas voir, si tu m'emmerdes, tu dégages. Gérard, c'est trop de la discrimination. Gérard, c'est qui, Christine? Pourquoi tu m'aimes pas? Parce que je t'aime pas, c'est tout. Mais je peux même pas attendre mon prénom. Attendez, 30 secondes. Gérard, j'ai le standard, enfin les auditeurs, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le débat parce que je crois qu'on part un peu en couille. Donc, je voudrais bien que chacun réponde correctement sans me poser de questions sur les auditrices que j'ai eues. Ok. Allô. Oui. Alors, Sandrine, donc toi, tu crois que vous êtes plus intelligente que nous? Oui. Mais pourquoi? Oui, parce que je te dis, on arrive à vous manipuler, vous fait faire nos petits caprices, on arrive toujours à nos fins. Non, mais dans ces cas-là, nous aussi, on peut avoir des caprices. T'as des caprices? Non, mais attends, je réponds à Sandrine, celle qui veut me parler. Bien sûr qu'elle a des caprices, jamais trois bites en même temps. Mais tu la fermes, pour l'instant, je vais répondre à la question. Donc, de toute manière, nous aussi, on peut vous manipuler comme on veut. T'as déjà réussi à manipuler une femme, Gérard? Non, pas encore, et j'espère que ça arrivera un jour. C'est clair, ça, Gérard, il a jamais manipulé quoi que ce soit. Même si vous arrivez à nous manipuler, un jour, vous vous grillez tout seul. Mais De manière, vous nous grillez assez. La feuille de rose. Il y a juste Akira qui a une réflexion très bien là-dessus. Attends. Sur Minitel qui dit on laisse croire aux femmes qu'elles nous manipulent. J'ai un nouvel auditeur à te présenter. Donc, pour remplacer Adèle, nous avons donc Philippe. Salut Gérard, salut Julie, salut Gaël. Salut Philippe. Salut Tony. Donc, salut Gérard. Salut, bah, je viens de te dire. Ok. Salut Gérard. Bon, ça y est, c'est bon. Bonsoir Gérard. Bon, alors, si tu continues. Mais dis bonsoir Philippe et continue. Ça y est, bonsoir Philippe. Donc, feuille de rose pour toi. Oui. Pour moi, les hommes et les femmes sont aussi intelligents l'un que l'autre. Mmh. C'est pas vrai. À notre manière. Mmh. Ouais. D'accord. Mais pourquoi? Parce que t'es con. Bon, ta gueule, toi. Bon, toi, de toute façon, Gérard, oui, c'est vrai que toi, on peut pas. Enfin bon. Attends. Finis ta question, Pauline Rose. Non, excuse-moi. Finis quoi? Hein? Parce que quoi, moi? Non, rien, moi, j'ai rien dit. Ah bon? Mais Magali, elle a pas répondu à voix, Gérard. D'accord. Magali. Ticket à l'avance, oui, en minute. Attendez, stop. Gérard, c'est Tony, est-ce que tu peux m'arranger le coup avec Feuille de Rose? Non! S'il te plaît! Pour l'instant! Je suis avec Gérard. Bon. Ah bon? Tu déconnes? Allez, moi, si tu le dis comme ça, ouvertement, t'as pas envie. Vous la fermez! J'ai une question Minitel maintenant, je réponds question Minitel. Alors, c'est pas une question aussi. Que non, c'est pas alors, l'enculé t'emmerde et tu vas te faire sauter au standard. Allez hop, bonne nuit. Ah non, ça c'est pas possible non plus, hein. Je ne baisse pas avec les auditeurs. Non, mais dans ce cas-là, tu prends et il dégage celui-là. Comme ça, ça ira plus vite. C'est donc Petit Cœur qui dit que la seule chose que tu manipules, Gérard, c'est des bites à la loco. Alors, Petit Cœur, tu restes un petit peu poli, s'il te plaît. Et t'as la main qui tremble en plus. Alors toi, je t'emmerde. Je préférerais que tu m'encules. Bon, non, ça, tu vas aller te faire enculer au bois de Boulogne et tu vas repasser au standard. Avec Gérard. Bah, oui. Au revoir. Non, c'est pas avec moi au standard, hein, d'accord? J'attends pas comme la dernière fois. Hein. Non, mais t'attendras pas, tu vas dégager. Ah, tu seras déjà sur place. Non, mais... Donc... Ok, super. Donc, Magali. Oui. Donc, t'as compris la question? Oui, bien sûr. C'est clair qu'avec toi, c'est pas dur à comprendre. Alors, les femmes sont beaucoup plus intelligentes que les hommes, parce que vu le niveau de tes questions, Gérard, t'as compris. Ouais, c'est clair. D'accord. Gérard, t'es pas une référence pour les hommes. Hein. T'as compris ma réponse, Gérard? Non, mais Magali. Oui. Alors, je vais te dire une chose, si mes questions te plaisent pas... J'ai déjà dit. Mais si mes questions te plaisent pas, j'ai déjà dit la semaine dernière, et ça, vous commencez à me gonfler. Vous envoyez les questions et vous vous démerdez. Ok. Aurélie. Daniel qui chante. Et même. La troisième question, pour ou contre, t'es pas mon volant, et on va enchaîner. Non, il n'y a pas de Philippe, on va enchaîner sur la bouquet chimique avec elle peigne. Et voilà, ouais, voilà. À tout de suite. Et voilà le retour du plus. Coucou Gérard. Et voilà, vous venez d'entendre NTM avec la fièvre. Donc on va continuer le débat. Donc si vous voulez nous appeler, profitez-en, il vous reste encore plus de 10 minutes pour nous appeler. Donc au 0803-08-5000 et 0870-5000 et toujours le Minitel. Pardon. Toujours le Minitel 3615, Copen Radio, rubrique directe. Et on va récupérer Sandrine. Pardon. Sandrine. Oui, je suis là. Ah, Feuille de Rose. Bonsoir mon amour. Bonsoir ma chérie. Magali. Salut. Aurélie. Oui. Et puis les deux. Non, tu dis nos prénoms, s'il te plaît. Les deux Lascar. Et Gérard, t'appelles comment? C'est Gérard. Gérard, comment t'appelles? Bon, Tony et Philippe. Gérard, c'est Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire, NTM? Nique ta mère, d'accord? Ouais, je nique ta mère. Dans ce cas-là, tu vas pas me faire chier longtemps, je te le dis tout de suite. Non, j'ai juste dit le nom du groupe. Non, mais tu vas pas m'emmerder longtemps, je te le dis tout de suite. Ouais, non, mais je disais juste le nom du d'accord. groupe. D'accord. Nique ta mère. Gérard, c'est Tony, est-ce que tu m'aimes? Non. Gérard, c'est Philippe, est-ce que tu m'aimes? Bon, c'est Gérard, c'est Magali, est-ce que tu m'aimes? Gérard, c'est Sandrine, est-ce que tu m'aimes? Gérard, c'est Tony, est-ce que tu m'encules? Il n'y a qu'une personne qui l'aime, Gérard, n'est-ce pas, Gérard? Bon, alors... Il peut en aimer deux, hein? Non, Gérard, dis-le. C'est pas vrai. Non, attendez, on revient d'abord sur le beau débat des hommes et des femmes. Gérard, la question, c'était... C'était est-ce pour... Que vous... Non, est-ce non, que vous êtes enculé dans les chutes de la loco? Les femmes doivent-elles coucher pour réussir? La question que j'adore. Ouais. Bah, non, mais attendez. Non, mais attends, Tony, Philippe. Ouais. Tony Philippe, pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse. Elle s'adresse à tout le monde. Non, mais. Je disais qu'avec quoi, avec moi, elle couchait, mais ça me réussit pas. D'accord. Et toi, Gérard, est-ce qu'avec toi, les femmes, elles doivent coucher pour réussir? Non. Qui c'est qui causera problème? C'est Gérard qui doit répondre. Vas-y, voilà. Alors, je vous préviens d'une chose, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la bonne chaussure à mon pied, donc. Ouais, de toute façon. Ça m'étonnerait que. Ni la chaussette, d'ailleurs. Je crois que t'as jamais couché. Comment? Non, rien. Attends, je vais dire une chose. Ouais. Et celui qui a osé me dire que j'ai jamais couché, je vais te dire une chose que j'ai... Ouais, si, t'as peut-être sodomisé des mecs, mais c'est tout, quoi. Non, mais je vais te dire une chose que j'ai quand même une fille de 8 ans, d'accord? Ouais, ok, on peut bien entendre, Philippe, salut. Non, mais c'est clair et net. Je te répondrai pas plus. Non, mais je répondrai pas plus à la question. C'est tout. Je ne réponds pas plus à la question. Ouais, je ne le savais pas, Gérard. Il y a Zabil qui demande, Gérard, si toi t'as couché pour passer à la radio. Non. Ouais. Bien sûr. Si. Si, Gérard, tout le monde. Gérard, est-ce que ta fille s'appelle Mazarine? Non. Alors, Sandrine? Bah, je pense que de toute façon, femme ou homme, tout le monde doit coucher. Mm-hmm. Et le sexe, c'est la vie. Mm-hmm. D'accord. C'est clair. Et dans ce c'est cas-là, pas avec Gérard, hein. L'égalité des sexes, c'est pareil. C'est pareil pour toi. Sandrine, s'il te plaît. Oui, excuse-moi. L'égalité des sexes, ça me fait rigoler. Bon, bah, de toute manière. Je vais te dire une chose. Non, c'est bon. Il y a le petit cœur sur Minitel qui dit non, elles n'ont pas besoin de coucher, elles sont assez fortes comme ça. Non, mais alors, petit cœur, ça commence à bien faire. Tu laisses ton numéro et on te rappelle parce que je voudrais bien que tu réagisses un petit peu. Tu peux un petit peu baisser l'infer? Comment? Tu peux baisser l'infer un petit peu, s'il te plaît, Gérard? Comment ça? Oh, c'est bon, oublie. Bon, alors dans ce cas-là, tu dégages. Tu dégages parce que. J'ai rien dit de méchant, hein. Non, mais attends, ta question, elle tient même pas debout, hein. Mais il a pas compris. Bon, la feuille de rose, pour toi. À ton avis, Gérard. Si je dois être à toi, est-ce qu'il faut que je couche avec toi? Ça, je sais pas. Tu sais pas? Non. Gérard. Attention. Gérard. Oui. Nous accueillons donc le nouvel auditeur, c'est Arnette. Salut, trop lui. Bonsoir, Arnette. Bonsoir, Arnette. Ça va, Gérard? Ça fait longtemps quand même, hein. Non, ça fait longtemps déjà. La semaine dernière, t'étais déjà là. C'est pas vrai, il y a des gens qui sont passés pour moi, mais. Bah oui, c'est ça, t'as raison. Au moins 6 mois que je t'ai pas parlé. Bah oui, c'est ça. Gérard. Bon, c'est bon, pour l'instant, on répond à la question parce que tout à l'heure, je vais vite. Super. Feuille de rose. Oui. Bah écoute, pour moi non, vaut mieux pas. Enfin, c'est pas mon truc quoi. Pas du tout. Mm-hmm. Il y a de l'écho là un peu. Ouais, c'est vrai, il y a beaucoup d'écho. Je suis en train de chercher, il y a un petit problème de voix. Tu vas te lancer, Julie. T'inquiète pas, Philippe, tout va bien. Julie, Arnel, s'il te plaît. Pardon. Je vais gérer. Ok. Gérard continue. C'est impossible. Gérard, c'est feuille de rose. Ah, ça y est. Voilà, feuille de rose. C'est feuille de rose. Feuille de rose, je t'écoute. Oui, je voulais dire que j'étais d'accord avec, comment ça s'appelle, je sais plus, Sandrine. Pour dire que le sexe, c'est la vie, ok. Mais que je suis pas d'accord que les femmes doivent coucher avec. Non, mais j'ai dit les femmes pour les hommes. Non, mais faut-il coucher pour réussir? Non, je suis pas d'accord. Au contraire, il faut montrer qu'on est qu'on est capable de se débrouiller sans coucher. Voilà. D'accord. Magali. Je suis avec Max pour décrocher la libre antenne du soir. Magali. Jeudi soir. Alors, pour le débat. Magali, même question. Non, pas forcément. Comment on est plus intelligente que les hommes, on peut réussir sans coucher. Produc. D'accord. On est là ou quoi? Alors, ceux qui s'amusent à s'amuser à m'insulter, On t'insulte pas, excuse-nous, on croyait qu'on parlait à quelqu'un d'autre. Alors, vas-y, abruti d'Arnette. Attends, Gérard, tu restes poli déjà. Pourquoi tu m'appelles abruti? Bah, alors, tu réponds, tu te dépêches. Ouais, bah, moi, je pense que c'est vrai qu'il y a pas mal de filles qui couchent pour arriver là où elles en sont. Mais, toi, je sais pas. D'accord. Ok. Mais, reste poli quand même avec moi. Julie? Oui, non mais continue Gérard, moi j'essaye de régler le problème, continue. Il y a quand même de l'écho, hein. Ouais. Aurélie? Oui, alors moi je pense qu'on n'est pas obligé de coucher pour réussir, mais ça va plus vite, quoi. Surtout pour Gérard. De quoi? Surtout pour Gérard. Non mais attends, c'est pas à toi que je m'adresse. Ah ok, du schlock. Bah ouais. Bon, Gérard, t'enchaînes s'il te plaît parce que tu commences à nous gonfler. Si t'es pas content, tu rentres chez toi. Mais de rien, je suis chez moi. Je t'attends. Gérard, une autre question. Alors, pour ou contre la liberté d'expression pour les femmes? Ça, c'est quand tu dis vos gueules, hein. Voilà. Donc on va commencer par un seul qui dort un petit peu, c'est-à-dire Aurélie. Alors celui qui s'amuse à rôter, tu te calmes s'il te plaît. Mais oui, c'est, je pense à toi. Moi je pense pas à toi, tu vois. Ouais, non, avec moi, un con comme toi, avec un con comme toi, je préfère me faire chier. Ouais, mais avec un con comme moi, on s'amuse et un con comme toi, on se fait chier. D'accord. Et tentacule et encule ta sœur. Voilà, okay, pas un peu de chambre, tu sortiras de Cindy. J'ai mal poli, fais gaffe. Justement, excusez-moi. Mais lui, Gérard. Fais gaffe à l'avantage, Gérard. Gérard, oui, c'est crotté. Moi, j'ai fait trois fois qu'en t'écoutant, j'ai vomi sur le combiné. Hein. Bon. Bah, vu la vulgarité des propos, Poise vient d'arriver. Bonsoir, Poise. Oui, bonsoir, vous allez bien. Comme par hasard. Je veux pas les mêmes. Salut, Popol. Et à chaque fois. Salut tout le monde. Salut. Ça va, Poise? Comme par hasard. T'es arrivé où à Super Mario 4? Au quatrième niveau, mais je me suis planté contre la grenouille. Oh, t'as déconné. Aurélie. Bon, Gérard, dis-moi sur ma tête. Aurélie. Ta gueule. Aurélie, elle dort. Gérard, bon, Aurélie est partie, mais Aurélie est partie justement, c'est pour ça que je t'ai mis Poise, pour pas que t'aies. Ouais, bah attends. Pour pas que t'aies trop de branleurs, quoi. Gérard, tu pourras me souhaiter bon, la bonne nuit. Poise, tonnette. Allô, Gérard. Tu la fermes. Bon, on va discuter entre nous pendant que Gérard. Attends, Gérard ouais, on va discuter entre nous, Gérard, il ferme sa gueule et puis c'est tout. Non, non, bon. J'ai. Alors, dans ce cas-là, je ferme ma gueule, tu retournes au standard. Bonne nuit. Moi? Oui, oui, bonne nuit. Attends, mais j'ai rien dit, je te dis bonsoir, Gérard. Allez, hop. Il y a Serval sur Minitel qui dit que les femmes, elles s'expriment mieux allongées et Gérard, et Peter, pardon, qui dit que les femmes, elles ne devraient pas avoir le droit de la liberté d'expression. Enfin, elle est contre car elles font de grosses bêtises. Non, ben ça. Gérard, il s'exprime mieux à quatre pattes. Bon, toi, tu la fermes, pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse. Gérard, il s'exprime très bien accroupi dans les toilettes. Alors, toi, le mec qui s'amuse à dire les toilettes, tu la fermes, ok? Ah, c'est bon, j'ai le droit de dire que je vais aux toilettes. Si t'as envie d'y aller, tu vas sans moi. Oui, okay, bien joué. Magali. Dans les toilettes, je suis dur chez moi, mais je suis dans le trou. Magali. Oui. Bon, tu te réveilles, s'il te plaît. Je te fais un truc, je suis réveillée, moi. Hein. Ouais, ben, tu réponds à la question. J'ai répondu à ta question. Ah bon? J'ai pas tellement entendu ce que t'as dit. Tu peux la faire, juste moi, j'ai ta voix, s'il te plaît. Oh là, Gérard, c'est toi qui viens d'avoir un coup de barre, là. Est-ce que tu un coup de barre. Bonjour. Laisse penser. Le coup de barre, le coup de barre. Bon, Tony, Arnette. Et Luigi, c'est pas Luigi. Ouais, je dois pas le savoir, tu me l'air pas, il dégage. Ouais, bien joué, super. Bonne nuit, les mecs. Bien joué, ouais, super. Gérard, je pense à toi et j'ai la barre. Ta gueule. Gérard, est-ce que Christine avait la liberté d'expression avec toi? Qui c'est qui pose cette question? Gérard, tu me fous le braquement. Ta gueule, toi. Qui c'est qui vient de poser cette question? Merci pour répondre. Alors... Sandrine. Oui. Pour toi. Bah écoute, bien sûr qu'on a le droit à la liberté d'expression, je vois pas pourquoi on la retirerait. Mmh. On dit des choses aussi intelligentes si ce n'est plus que les hommes. Donc, Gérard, t'en penses quoi toi? Vas-y, réponds. C'est pas grave, réponds. Moi je suis tout à fait pour les. Je suis pour. Tu nous fais un caca nerveux. Moi, si t'as fait un caca. Oui. Si t'as fait un caca nerveux, Paul de Rouge. C'est qui? Gérard, ça t'a fâché. C'est qui me parle là? Allô? Oui. On va jouer à ça. Allô? Regarde! Qui est? Gérard, je voudrais être poli avec toi. Tu me reprends les mecs, moi j'arrête. Bonne nuit. Écoute, les mecs, vous dégagez. Non, restez calme, les mecs, restez calme. Gérard, tu t'acharnes toujours sur les mêmes, mais tu continues un peu le débat. Le sujet des femmes, la supériorité des femmes. Ouais, mais moi je m'exprime. Dans ce cas-là, les mecs, ils arrêtent de déconner. Ouais, on reste calme, les mecs. Pénard. Dans ce cas-là, ça va aller vite fait. Trou du cul. Eh ben, trou du cul, tu dégages. Qui parle là. Gérard, arrête, Tu reprends les mecs et ils dégagent. Hop, terminé pour eux. Je ne les veux plus. Donc Sandrine, toi, tu es pour? Bien sûr, D'accord. Et pourquoi que tu serais pour? Pourquoi, hein? Ta gueule, toi, je t'ai pas sonné. Oui, d'accord, excuse-moi. Je l'ai dit déjà parce que je pense qu'on a tout à fait le droit à la liberté d'expression, on n'a pas le droit de nous retirer. C'est clair, d'accord. Quoi. Ok. Feuille de rose? Pareil que... Sandrine. Pareil. Rien à dire de plus. Bon, bien merci, hein, Fred de Rose. Hein. Gérard, qu'est-ce qu'il y a? C'est un vrai Terminator. C'est quoi cette voix, Gérard? On sent quand tu sais. Gérard, c'est Sandrine. Gérard, c'est Sandrine. Non, il est. Faites péter le délai, là. Ouais, bon, mais, allez, la prochaine question. Ouais, mais du délai. Oui. Qui c'est qui me parle, là? Non, Gérard, je te dis de faire péter le délai. Oh là là, allez hop, j'enchaîne. Les femmes sont-elles importantes et nécessaires? Bah, bien entendu. À ton avis, Gérard, comment on fera des petits? Gérard, ouais, exactement. À ton avis, si t'es là, Gérard, c'est grâce à qui? Gérard. Ouais, nous commençons de gonfler. Gérard, ah, c'est la Arrête, t'as une voix sensuelle. Eh, c'est gaffe, moi je suis Skywalker et je détruis Dark Vador. Eh ben, tu dégages. Gérard, tu dégages aussi. Sensuelle. Tu dégages. Mais Gérard, arrête ta gueule. T'es exterminateur, ta gueule. Va te faire foutre, Gérard, mais m'insulte pas comme ça, sinon je t'insulte pareil, moi. Eh ben alors, va te faire foutre, tu vas te faire foutre au standard, tu peux raccrocher. J'en ai un peu marre de voir sur les sales rôles de foutre les gens. Une mauvaise opinion de nous, aux femmes. J'en ai un peu marre de voir toujours à foutre les gens, c'est agaçant. Non, mais moi, je veux pas de savoir, ils dégagent. On donne une mauvaise opinion des hommes aux femmes, là. Mais surtout de moi, là, en ce moment. Un petit peu de courtoisie. Non, mais pour l'instant, si vous me laissez parler un peu, ça vous va peut-être les gars, un peu mieux. On fait un compte à rebours de 30 secondes, on se calme pendant 30 secondes, on est sérieux 30 secondes. Je donne le top. Ok, 3, 2, 1. On est reparti. Ta gueule. C'est pas à toi que je m'adresse. Non, Sandrine. On est sérieux 30 secondes. Ta gueule. Gérard, c'est un homme, défends-toi. Sandrine. On dit rien. Sandrine. Oui. Non, mais attends. Non, tu m'apprends les Lascar Tony Arnett. Je veux pas le savoir, je les veux pas. J'ai rien dit. Mais t'as pas tes bras qui sont noirs. Je ne les veux pas. Je ne les veux pas. On dit rien, les gars. Je n'ai pas les mêmes, on les a. On dit rien du tout. Hors de question. Je veux pas le savoir. Ils disent rien, Gérard. Gérard, c'est trop méchant. Gérard, t'es méchant. Non, Tony Arnett, dis rien. On dit rien. Bon, t'arrêtes avec ta caméra maintenant, ça m'énerve là. Gérard, ça me permet de te voir, Gérard. Ouais, bah peut-être. C'était le couple, là. Gérard, la femme Sandrine. Est... Sandrine. Boys. Oui. Une minute. Boys. Une minute. Je t'écoute, dans Gérard. Dans une minute. Ouais. Ok. Je dis le temps. Vous commencez à me les gonfler, là. Vas-y, Gérard, on est gonflé. Vas-y, Gérard, t'écoute. Allez, arrête, je couche pas avec toi, ça, d'accord. Allez, hop. Gérard, Sandrine, je t'écoute. Mais merde. Gérard, tu te calmes, s'il te plaît. Arrête. Bon, Gérard, on en Gérard, était où? C'est Sandrine, je t'écoute, pose ta question. Gérard, tu te calmes, s'il te plaît, tu reviens sur ton débat. Ouais, la question. Dans ce cas-là, ils vont répondre. Ok, le top dans 30 secondes. Gérard, bon, le top, c'est pas toi qui les donne, Sandrine, tu réponds, s'il te plaît, maintenant. Stop. On se calme tout de suite, écoute, on va faire une petite pause et tu vas te calmer, hein, tout de suite. Bon, maintenant, toi, avec ta caméra, tu dégages aussi. Donc, on se calme, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fais avec lui, toi? Quel déconneur, ce Gérard. Tu la trouves très importante, très... Non, il y a comme une belle... Oui, Gérard, donne-nous ton avis là-dessus. La cuisine, non? Donne-nous ton avis là-dessus, Gérard. Et comment? Donne-nous ton avis là-dessus. Bon, alors moi, je vais vous donner mon avis. Et dans ton information. Mais une chambre d'écho, je lis. On répondra. Ouais, bah, on verra ça. Mais la chambre d'écho, je lis, la chambre d'écho. Non, le délai. Mais le délai. Donc, Gérard... Tu peux répondre à ma réponse, Gérard. Tu peux faire une conclusion avec ça, ma réponse. C'est qui? Max. Hey, quand je demande qui c'est qui Magali. Veut... Bon, alors Magali, vas-y. Je te dis, les femmes sont nécessaires dans la vie et importantes dans le lit. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nécessaires, elles sont bien utiles quand elles ouvrent la cuisine et importantes quand tu... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Voilà. Mais pourquoi? Enculé. Joli. Mais pourquoi? Et elles sont importantes quand tu leur fais l'amour. Mais pourquoi? Donc, je pense qu'on va faire, la conclusion. Hello. On n'a pas répondu, nous. Non, bah. C'était la poule en fer. Gérard, il ne répond pas, il voudrait répondre. Arlette voudrait répondre. Spice. Tony aussi. Non, mais on fait la. On peut peut-être donner une réponse quand même, Gérard. Bah, vas-y, donne-la. Eh ben alors, putain, mais comment ça se fait que tu nous censures, là? Tu veux donner tout de suite la conclusion? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais attends, si t'es pas content, tu raccroches. Bordel. Allez, bonne nuit, Arnette. Arnette, tu dégages. Merci. Arnette, tu dégages. Oh, c'est Tony. Venez, putain. Gérard, tu poses une question, tu donnes avis aux filles, et puis nous, on va se faire foutre. Bonne nuit. Eh, Gérard, Gérard, t'es pas du tout crédible avec une voix pareille, sans déconner. C'est quelque chose. Hein. Franchement, tu fais pas du tout impression. Hein. Et Gérard, je pourrais avoir un poster de toi pour coller sur, à côté de mes boys bands. Non, il veut dire va te faire foutre. Non, va te dire, allez, tu retournes avec ton air. Avec ta signature, s'il te plaît. Non, tu retournes ton air, allez. Qui c'est qui me demande ça? Non, mais Gérard, je voudrais un poster de toi pour un à côté de il mes boys bands. Je veux pas le savoir, tu retournes au standard, je veux pas le savoir. Bon, et il y a juste sur Minitel, il y a Serval qui dit que les femmes sont importantes parce que ce sont celles qui les aiment, enfin qui l'aiment. Ouais, moi l'aime. Franchement, je trouve que les filles sont hyper importantes parce que sinon, je sais pas à qui je ferai un cunnilingus. Sans déconner. Et j'adore le cunnilingus, mais à un point, et puis trop puissant parce que les filles cliquent trop dessus. Bah. Tu sais, pendant que tu fais ça et tout, et tu vois les filles partir, les expressions du visage et tout, c'est trop puissant. Alors franchement, toutes celles qui sont ouvertes à ça, bah, moi j'arrive. Un peu puissant. Joli cas de le dire. Hein. Bon, alors, on fait conclusion. Ok, boys. La conclusion, parce qu'il est 3h15 et j'ai envie d'aller dormir. Oh, mais tu vas dormir à notre coup, toi t'es gentil, on a pas envie d'aller dormir. Donc. Sandrine, conclusion. Conclusion, bah écoute, les femmes sont importantes, les hommes aussi, le sexe et la vie. D'accord. Feuille de rose. Bah écoute, Gérard, ouais. Feuille de rose, je t'aime. Ta gueule, pas. Pour l'instant, c'est pas toi que je m'adresse. Tu es vulgaire, Gérard. Je dis un mot d'amour, t'es vulgaire, tu es derrière, franchement. Feuille de rose, ta conclusion, s'il te plaît. Oui, Gérard. Les femmes sont aussi importantes que les hommes. Voilà, tout simplement. Et puis, égalité des sexes, voilà. D'accord. Mais feuille de rose, de toute manière, tu. Oui, je ne quitte pas. Tu raccrocheras pas, hein. Non, je raccroche pas, je promets. Magali. Les femmes sont aussi douces que les fleurs et les hommes sont aussi forts que des chênes. Oh, ça c'est bien. Voilà. Des bouquins, ça veut rien dire, c'est pas toi qui parle. Ça, c'est joli ce que t'as dit. De manière la femme. On pourrait dire aussi fragile comme des fleurs. Ouais, mais de manière la femme. Oui, la femme. Faut les arroser de temps en temps. Ouais, je peux pas leur bouffer la chatte aux fleurs. Non, attends. Faut les arroser de temps en temps, les fleurs. Non, mais je vais te dire une chose. Qu'une nana est aussi jolie qu'une fleur, d'accord? Et Diana. Tu pourras me faire un poème, Gérard? Comment? Vite fait, en 3 secondes, tu pourras me faire un poème? Qui? Non, c'est impossible, Gérard. Qui veut un poème, c'est impossible. Qui veut un poème, pour moi, déjà qu'il est copié dans ses bouquins, ses poèmes. J'ai jamais eu, Gérard, des poèmes de toi et c'est la première fois que j'appelle. Qui? Magali. Ben, Magali, je verrai ça un peu plus tard. Pour la semaine prochaine, je t'en fais un. Oh, mais pas longtemps. Je t'en fais un pour la semaine prochaine. Oh, désolé. Là, c'est incroyable. Je pourrais pas t'avoir en antenne 5 minutes? Non. Ben, si. Tu bois ça avec Gaël. D'accord. Arnette. Ouais. Allô. La conclusion. Arnette, et Serval qui dit le plus important est que les hommes comprennent l'importance des femmes. Et là, je suis tout à fait d'accord. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, Julie. Alors, Gérard. Ça sent lâche cul quand même, hein, quelque part. Ma conclusion, Gérard. Arnette, je t'aime. Oui, bah moi aussi, Boris. Donc, ma conclusion, Gérard, c'est que les filles n'ont pas d'importance tant que ton anus dilaté est toujours libre dans les toilettes de la loco. Yes. Et aussi, je t'occule. Trop cédé. Petit cake moisi, c'est un truc comme ça, je sais pas. Non. Gérard, il préfère un. Après les boys band, un clochard band. Tu fais une phrase et tu termines pas grosse pute, hein, ça jette. Alors Gérard, je t'aime grosse pute. Voilà. Ta conclusion, Gérard, sur les frères. Non, mais il faut rester bien avec les Gérard, la grosse pute. Alors la grosse pute, tu sais ce qu'elle t'a dit. Ce qu'elle te dit, je t'encule dans la loco. Ce qu'elle te dit, elle ramasse des frics pendant que toi tu te la. Mais non, mais je voudrais savoir quand même, Serval, si ouais, tu es d'accord. Oui, c'est très de voix. Avec. Si tu es d'accord avec la phrase de Serval sur Minitel qui dit que le plus important est que les hommes comprennent l'importance des femmes. Parce qu'une femme, c'est important pour toi, Gérard. C'est l'amour, l'important. Pour faire une conclusion joyeuse, on devrait tous chanter le remix. Que les femmes sont pas faciles à comprendre. On devrait tous chanter le remix. Lesquels? Les poèmes de Gégé. Ça fait comment? Pam, pam, pam, pam. Gérard, il a gobé la mouche avec sa grosse langue. Gérard, je t'ai demandé de répondre, s'il te plaît. D'autre part, Hugolin, on t'a oublié, mais t'inquiète pas, on t'oubliera pas. Ah, oh, Julie, quelle... Julie. Non, mais déjà... T'arrêtes, s'il te plaît, avec la caméra, maintenant. Je t'encule, Gérard. Ah ben, c'est bien, mais moi, je t'emmerde. Gérard, tu te réveilles un peu. Gérard, s'il te plaît, on t'a demandé des choses. Mais non, mais... Gérard, c'est pause. Je reviens à la conclusion. Et moi aussi, alors, je suis un peu net. Gérard, c'est pas, je peux attendre ma conclusion. Non, tu prends pas ta conclusion. Attends, Arnette, je t'emmerde, tu dégages. Gérard, c'est Luigi, tu es ce que de cette position. Alors, bonne nuit à tous. Je ne prends pas la conclusion, bonne nuit. Gérard, c'est pas. Stop, 30 secondes, 30 secondes. Hey, le standard, 30 secondes, on se calme, okay. Parce que moi j'aimerais quand même que Gérard fasse les conclusions. J'ai encore Serval qui dit les femmes sont importantes car sinon mes rêves seraient désespérés, tristes et mes fantasmes solitaires. Gérard, tu réagis un petit peu. J'aimerais bien feuille de rose en antenne, s'il te plaît, merci. Mais tu te crois où, blaireau? Moi, je prends Magali en antenne. Le standard 30 secondes, on laisse Gérard faire sa conclusion. Vas-y, Gérard, ouais. Tony Arnett, pause. Bon, Gérard, je vais coucher à... Gérard, vous allez énerver. C'est qui y avait derrière. Gérard, c'est pause. Tu t'assieds, tu prends ton casque. Gérard, c'est pause. Je t'encule. Hop, ça y est, c'est bon. Ils sont partis. Alors maintenant, tu fais ta conclusion. Ils sont plus là, les enlever. Enfin, quand même. Alors, à la conclusion, bon, à part que j'avais dit que je ne jouais pas les mêmes, mais c'est dommage qu'on aille récupérer les... Non, mais par rapport au sujet, Gérard, par rapport aux femmes et aux hommes. Par rapport au sujet de ce soir, ben, donc, moi, je suis tout à fait pour certaines questions, donc c'est dommage que le débat n'a pas pu aller plus loin, parce que... T'aurais aimé que ça soit plus profond. Oui. Mais plus c'est plus profond. Plus approfondi. Gérard, plus c'est profond, plus c'est creux. Oui, mais. J'aurais dit plus c'est bon. Voilà. Tout à fait. Pardon. Donc, de manière, plus c'est bon et plus c'est long aussi. Donc, pour moi, la conclusion. Donc, la conclusion, c'est que. C'est bête qu'on se soit arrêté à la 8e au lieu de continuer. Donc, Non, mais sur les femmes, finalement, toi, tu penses quoi? Elles sont importantes, elles sont pas importantes? Pour moi, les femmes sont... La femme est l'avenir de l'homme est l'avenir de la femme. Non, de manière, je l'ai toujours dit, la femme est... L'avenir de rien. Et l'avenir de l'homme. Comme une chanson l'a dit, la femme... Quelle chanson? Bon, je me souviens plus du titre, mais je sais que la femme est... Ça faisait quoi? Et l'avenir de l'homme. Ça faisait quoi? Moi, bon, je sais plus, je m'en souviens plus. Mais t'as besoin d'une femme, Gérard? T'as besoin d'une femme? Ah oui. À l'heure actuelle, oui, j'ai besoin de... Ah bah t'as... Oui, je sais, je vais m'occuper de ouais. Feuilles de rose. Ouais. Je vais m'occuper de Feuilles de rose hors antenne, là. Ouais. Bon, Gérard, les débats de la semaine prochaine. Alors, les débats de la semaine prochaine, eh ben, je pense qu'ils vont être assez crus. Ça va être quoi? Alors déjà, il y a les médiums. Non, ça, les médiums, je le ferai pas. On voulait t'inviter une médium. Non, mais alors, la nana de 42 ans, tu la laisses ou qu'elle est? J'en veux pas. Ah, écoute, on aurait aimé la... Non, mais moi, je fais pas des débats là-dessus. Bah, c'est bien, les médiums. Le prochain... On en discutera. Donc, on va en discuter si tu veux. Bon, t'arrêtes avec la caméra. Bon, t'arrêtes, s'il te plaît, maintenant. Cyril, tu dégages avec la caméra, merci. Cyril, s'il te plaît. C'est... Terminé. Oh, Gérard. Allez, je vous préviens d'une chose. Le débat, bon, on va peut-être faire les médiums, mais je vais essayer de me creuser la tête. Ouais, alors il y a... C'est quoi sur les médiums? Ouais, avec l'autre. À mon avis, avec elle, tu peux faire quelque chose de très sympa. Ouais, bah, allez, je vais voir. D'accord, si... mais c'est toi le chef. Ouais, attends, tu elle ferme sa gueule, c'est tu toi le chef. Tu l'as vu? Ouais, elle est belle, elle te plaira en plus. Ouais, ben, quand est-ce qu'elle revient? Jeudi prochain pour ton débat. Elle revient pas aujourd'hui là. Non. Ah bon, tant mieux. Et le deuxième débat, donc après les médiums. Et après les médiums, sur les aigus ou les basses. Non. Ça sera sur. Réfléchis parce que pour ou contre les films porno. Ah voilà. Là, je pense. Ça va être chaud. Je pense que le deuxième débat va être plus chaud que le premier. Il y a déjà des gens qui réagissent sur Minitel, tu vois, comme Igolin qui dit GG, je suis médium et grave aussi. À mon avis, c'est bon. Déjà bien. Arrête. Bah Gérard, qu'est-ce qu'on trouve après? Je pense que c'est... Morgane, après... Bon. Avec le meilleur. Bon, je voulais juste dire... Le meilleur du mix. Ouais, je voulais juste dire avant que, bon, c'était vraiment bien amusé ce soir. Ouais, tout particulièrement dans le deuxième débat, même s'il y a eu les habituels, alors qu'on avait dit qu'on les voulait pas, mais on s'est fait ruser, parce que moi-même j'ai fait le standard, je pensais pas que c'était David, Luigi, Arnett et machin. Et que si vous aviez regardé sur TPS, j'espère que vous allez faire tourner les cassettes de ce débat qui s'est déroulé ce soir, et qu'à mon avis... Et les gens vont s'abonner, non même plus pour nous regarder, mais pour regarder juste le débat du jeudi dans la nuit, parce que on s'est bien amusé. Hein. Et n'ayez crainte que vous allez avoir le remix, les passages du meilleur moment du deuxième, hein, pas du premier, parce que je pense qu'à mon avis, demain, tu vas nous les remettre. Le débat de ce soir, là, oui, ouais. On rediffusera d'ailleurs demain entre 22h et minuit.